Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence depuis à peu près une 5, 10, 20 de minutes, je veux dire. Nuisance a commencé avec Spontaneous Dysentery d'abord. Un album sorti dans les bacs en 2000. En 2024. Et The Homeless Breakfast. Homeless Breakfast, vous ne pouvez pas le trouver, il est introuvable. Les titres vont de Blasphemanal à The Homeless Breakfast, Crève Charogne, Dead Birds, Dents Creuses, Ma Joie de Vivre, The Kitchen Experience, Acid Rain, Happiness for My Friends, Xième Phonie Gastrique. Voilà, donc il y a 10 titres qui se finissent actuellement, donc avec le 10ème et un mix de notre pote. Notre pote Rico. Décembre 2013, il fait à peu près 7 ou peut-être moins 2 degrés dehors à Toulouse, au 40 rue Alfred Duméril, en France, aux locaux de Canal Sud. Vous pouvez également nous écouter en direct à peu près pour 15 secondes de décalage. Canal Sud, vous pouvez l'écouter sur le net au www.canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Peut-être bientôt une intervention d'une tierce partie. Thank you. Concernait que le fiontage est absolument interdit au parabar de la merde. Et c'est 9h37 et j'ai le droit de dire merde. C'est comme ça parce que c'est une liberté. La liberté, ça fait du cul. On recule la liberté parce que la merde. La merde, c'est nous. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, donc merci quoi. N'oublions pas dans tout cela l'anus, il y a des choses à dire, il existe, même si on ne le voit que rarement, pas dans la glace sud. Thank you.

There's one thing I gotta say, it's just like this, it's just like that, it's everywhere but it's not here. Something I gotta say, you know, it's just gonna go on, it's never gonna stop, it's just gonna go on forever, forever, it's just gonna end forever, you know, it's just like that, you know. Et c'est comme ça, et c'est ça qui est bien, voilà. Et donc en parlant de ça, justement, pour vous dire, peut-être que pour certains qui apprécient tout ce qui gêne et disturbe grandement, petitement, en ce monde bas, les villes malsains où l'on vit, pour cela, le labo Incatharsis existe pour qu'il s'exprime en drone, ambiante, expérimental, noise, free. Et les autres moins propices à la capitalisation, tous ces styles-là peuvent s'exprimer, oui, tout à fait, dans le labo sonore, acoustique, proposé par Incatharsis au Pavillon Sauvage, à partir de dimanche, de 15h à 21h, à partir de dimanche 22 décembre, et pendant 3 jours, du dimanche 22 décembre au mardi 24 décembre, inclus, de 15h à 21h. Également pour ouvrir la soirée, dimanche 22 décembre, enfin pour ouvrir les festivités plutôt, Sonic. Tout un panel d'artistes proposant diverses formations variées et diverses, justement, de création en mode soluble ou non, insoluble plutôt peut-être, dirons-nous. En tout cas, c'est cela. Ces gens-là, je veux dire, proposeront donc une activité un temps festive, un temps méprisante envers le public, qui sera là ou pas. Qui sera là ou pas, ce sera méprisant. Et vous pouvez être sûr que de 17h à 21h au Pavillon Sauvage le 22 décembre, vous pouvez être sûr de rien.

bonsoir. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Pierre-Henri. Je suis Pierre. Une pierre gris, pardon. Je reformule. Bonjour, je m'appelle Phallus Liquide. Et je voudrais dire 5 minutes pour l'ambiance sans moi, 5 minutes pour le dépiautage de chaises, discussion, 5 minutes pour le vidage de sacs, discussion, 10 minutes pour le déshabillement, 10 minutes pour les prières, la transe et les cris, 10-15 minutes pour on ne sait pas justement. Et c'est là le secret. Le secret est dans l'incantation, l'incantation fabulatoire. Je précise. Side of my destiny. I got 48 cents. Fleur de Savin cigar in my pocket. I got my keys and an old turned off cell phone too. I won't be using any those, so I stuff them. The keys in the condom pocket on my baggy jeans. The phone in my belt purse with my wallet. Because I'm a double machine too. I'm going to go to the hospital. Vous écoutez Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission qui met au sens. Au sens de quoi? On ne le sait pas. L'émission de toutes les nuisances. Nuisances vers qui? Envers qui? On ne sait pas. Nuisance, on ne sait pas. Finalement, nuisance n'est pas. On peut dire que nuisance n'est que néance, en fait, néance de l'être, néantissime, que nous sommes tous dans la mort. Incroyable, nous avons résolu une action, celle de ne rien résoudre, celle de trouver la réponse dans le rien, dans l'absolution de nos soi-disant spéculatoires, fabulatoires, incantatoires péchés, comme un péché de vigne. Je déblatère. Déblatéré. Les grimaces, ça passe pas. Ça se voit pas. On voit pas le forme de mon visage. Quoi? Le forme de mon visage. Si tu te colles bien près du micro. Ah ouais. Une fois, il y a un formula. Pas Brom, Brom. Formula, Brom. Non, mais je commence déjà à me sentir trop bizarre. Ah ouais? Ouais, c'est d'entendre ma voix dans le casque avec un petit... grésillement derrière. Non, c'est plus... L'écho? Tu vois, les hautes fréquences, là. Ah, l'Arsen. Ah ouais, attends, je te l'enlève. Non. Non, ça y est, ça devrait être mieux. Mets-lui profond. Bling, bling. Ah ouais, comme ça? Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que t'as une tétine pour mettre dessus? Non, pas de tétine. Comme tu l'étais. T'as raison, c'est toujours une bite qu'on prend pour décapsuler. D'ailleurs, envers et contre tous, la bite sert à plein de choses, à part baiser ou pisser, quoi. Elle peut servir à décapsuler, par exemple. Merci pour ton intervention. Je confirme. Merci. There's something I have to say. I just have to say it. I don't know what it is. I just don't know what it is. I know I have to say something, but I just don't know what it is. I just don't know what it is. J'aimerais bien te conter l'histoire du chant mexicain. Pas saturé, faut mettre au minimum 25 cm. Faut insérer 25 cm pour ne pas saturer. Pas plus saturer. Quoi. Pas plus de 25 cm. Ouais. Pas plus de 25 cm sinon ça sature. Sinon ça dans sature. Le micro, sinon réception sur FM inactive. 25 cm. 25 cm. Non. Ni plus ni moins. 25 cm qu'il a dit. C'est énorme. Ouais. Il peut faire mal rapidement. Quoi, c'était elle? Pour crever la merde, vivons la merde, donc vivons la merde bien. Bien dans le cul, dans le cul, bien dans le cul. Il est passé 10h, on peut dire dans le cul maintenant. C'est vrai, on peut dire dans le cul. On peut dire dans le cul, on peut dire merde. Faire quoi, dans le cul? À 10h, on peut le faire. On peut le faire à n'importe quelle heure, il suffit d'aller aux chiottes pour faire ça. Non, non, ici on est dans une radio publique à but non lucratif, donc je veux dire. Public, ça c'est autre chose quoi. Mais en tout cas, on est là pour en chier quoi. On est là pour en chier. Je n'ai pas. J'ai du feuille, c'est tout. Ouais, c'est bizarre que tu peux parler, pas écouter, mais du coup tu n'entends pas si t'écoutes pas. Ouais. Mais du coup tu t'entends pas, mais tu parles quand même. Moi ouais. J'aimerais bien si je mettais pas le casque ou pas sur toi. Ouais, franchement c'est cool, c'est une bonne idée. Alors tu peux ne pas t'entendre, mais parler et tout de l'entendement que t'as avec ton voisin. Genre comment tu vas toi? Mal, c'est bon ça, tu veux nous en parler de ta maladie? Ça qui est important, c'est de dire de la merde, il y en a qui comprennent pas ça, faut pas leur en vouloir. Ils sont pas prêts. Scintillante qui me fait penser aux yeux d'un âne. Toi, tu penses tous mes sens. Seule ma vue reste inapte à te voir. C'est parce que tu me sens, c'est parce que tu me touches, c'est parce que tu me goûtes, c'est parce que tu. Oui, tout ça, c'est comme un banana split. Entre tes jambes, il n'y a pas de raison que tu me tiens la langue. Hey, il y a des mecs là-bas qui me regardent comme des poissons dans un aquarium. C'est pour ça que j'aime bien me mettre dos comme ça, je les vois pas. Parce qu'encore qu'ils me regardent, ça me dérange pas. Et que moi je les vois, c'est... Puis il me fait des... Ah, y a un mec kangourou là-bas qui saute. Il faut pas regarder. Ça a l'air de bien s'amuser. Hein. C'est pas la... Est-ce que tu crois que c'est nous les singes de la farce ou c'est eux? Tu penses que c'est la télé ou c'est des vrais gens? Non, s'il faut, c'est un écran. Hein. Je sais pas, je me posais la question l'autre jour. Il y a un mec, une fois, qui a sorti le mot salope ou pute à mon émission. C'est pas vous, hein, je dis ça. Il y a la télé qui nous parle. J'y réfléchissais et je me disais, mais qui c'est la pute, qui c'est la salope? Non, mais tu crois que c'est une question qui se pose lui-même vu que c'est une télé? Ou est-ce qu'il s'adresse à nous et il nous parle? S'il repose la question à travers la télé, tu lui rends comme ça. Direct, retour la question à l'envoyeur. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Mais alors, du coup, tu crois qu'il y a perdu ses oreilles. Une mise en abîme, un truc du genre, tu vois? Une perte totale de questions et de raisonnement, donc il n'y a plus de réponse en fait. Oui, genre si c'est une machine, il va avoir un bug. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va faire un... Non, ça va s'incrémenter tout seul en fait. Non, ça va pas s'incrémenter tout seul, c'est ça, c'est un bug. C'est la merde, c'est la mort. Ça m'attend au fond du voyage, quoi, au fond du trou, je veux dire. J'ai l'impression que la télé me répond maintenant. Non, c'est... le fond du voyage, mec. C'est parce que c'est le printemps. Le trou, mec. Oh, le trou. Printemps. Réos, le trou. La télé essaie de... Le trou. Le fond est un trou. Le fond est un trou. Le fond est un trou. C'est ça, le truc. Est-ce qu'il veut dire que je dois prendre cette capsule? Non, il dit qu'en siphon, au fond, les petites marionnettes. Et les glaces de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. En siphon, qu'elles font. Sinon, franchement, sujet très tabou dont on pourrait ne pas parler à l'antenne, tel que bip. Alors, moi je dirais quelque chose, pas un truc sexuel. Ça, c'est tabou, le pas sexuel, le non sexuel, c'est tabou. Ouais, sexuel, on peut en parler, mais non sexuel, c'est tabou. On pourrait parler, comme quoi on pourrait pas en parler. Par exemple, on pourrait pas parler de croissant ou de petit beurre salé. Quoi. Ouais, mais de quoi on pourrait parler qui n'est pas sexuel? De quoi on pourrait parler qui n'est pas sexuel? De quoi on pourrait pas parler qui n'est pas sexuel plutôt? De quoi on pourrait pas parler qui n'est pas sexuel? Je sais pas quoi ça. Donc toi tu parles pas sexuel et moi je parle pas sexuel. Et on en parle du coup sexuel, c'est foutu les gars. Autant laisser tomber tout de suite. Par contre, moi ce que ça m'intéresse, c'est de parler du non sexuel. Ouais, genre du spirituel. C'est... Parce que le non sexuel. Ouais, l'esprit en psychologie freudienne, nous pouvons peut-être affirmer que le sexuel est partout et qu'il n'y a donc que des sujets de désir et de libido. C'est ça, de l'habitation intérieure. Le sujet, quoi. J'avoue que quand t'achètes un croissant, bah, tu vois que l'argent que tu donnes à la boulangère, c'est très sexuel. De toute façon, donner de l'argent à quelqu'un, c'est sexuel. Hein. Est-ce qu'on pourrait parler de domination au lieu de sexe? Ou on parlerait de sexe dominant? Ah, il y a un castor qui essaie de me bouffer la jambe. Je croyais que c'était ma jambe en fait. Excuse-moi. C'était pas toi la jambe en fait. Ouais, mais c'est la merde, c'est ça que tu comprends pas. Regarde, c'est genre t'es au bord de la mort, au bord du précipice, et tu vas mourir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu plus de temps. Si vous voulez écouter la lumière. Eh, on n'entend plus la lumière. Alors, maintenant j'ai mis le micro, mais on va écouter la lumière. Est-ce que t'entends ma voix, chienne? Torza? Les oreilles du chien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ouais, ouais. Il avait coupé. Je voulais faire entendre l'émission en chienne. C'est un ami des belles. Tu voulais faire quoi? Je voulais faire écouter l'émission en chienne. Ah oui, chienne. Ah ouais, d'accord, bah vas-y, remets-lui et mets doucement parce qu'elle a des grandes oreilles. Un chien, ça écoute bien, ça entend mais bien. Mais non, ça. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah, sérieux? C'est vrai que c'est une chienne loup. Chienne, ça va. Ça lui a fait repousser les yeux. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a trouvé ça très intriguant. C'est une radio, c'est avec des micros en fait. C'est faut s'approcher des micros quoi. Parler, comme ça? Non, pas trop près non plus. Non, non pas trop près. Moi, je suis à 35 cm. La même que celle de Torza. Tu penses quoi? Est-ce que le radiateur est plus réel pour toi que ouais. L'objet de tes désirs? Bah non, puisque le radiateur, enfin oui, je veux dire, mais tout simplement oui, car le radiateur est l'objet de mon désir. Évidemment, j'ai toujours voulu me faire un radiateur. Mais c'est évident, alors pourquoi tu me poses cette question? Mais toi, t'as pas envie de te faire un radiateur quoi? Mais c'est chaud, si. C'est doux, ça frotte, ça glisse, c'est lisse. Un radiateur jaune. Et c'est rugueux à la fois. Jaune. J'ai toujours voulu me faire un radiateur. Un jeune radiateur. Jeune radiateur. Dessus, toi, tu pars dans des trucs bizarres. Voilà, donc ça va être comme ça. La coloration en fond est pour nous occuper les oreilles, un peu les tympans. Et en fait, le reste, c'est nous qui le faisons, comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Comme le disait Mao. Mets tes tongs, c'est ça. Je ne sais plus quoi dire. Faisons. T'as des tongs, toi? Non. Moi non plus. Choper, hein, pour être pas mal. Ouais, mais en hiver. Tu l'as fait à l'allemande. Ouais, mais j'ai les pieds trop petits. Ah ouais? Ouais. J'ai pas assez de déperdition de chaleur pour devenir blond. Sinon, on peut se raconter des histoires qui font peur. Je sais que tu vas bientôt mourir. Thank you. que je vous ai déjà dit que j'avais vu le Yeti. Magnifique. Il était quelle couleur ? Il était vert. C'était un Yeti des forêts. Ils sont un peu nuls ceux-là, quand même. Mais ils sont grands. Ouais. Et velus. Oui. Les Yeti, quand même. Les courbes de l'air. Les courbes de l'air. De l'air. C'est intéressant. Hein. Très bizarre personnage. Est-ce que tu veux avec moi? Ah oui. Est-ce que tu veux avec moi? Thank you. 14h moins quart. Thank you.

Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et ben voilà, on t'entend aussi maintenant. Ça y est, tu peux dire ce que tu veux maintenant. En fait, je sais pas quoi dire. Et ben, tu peux ne rien dire et ou sinon tu peux juste te laisser parler, tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est pour t'aider, je vais faire ça. Je me demandais pourquoi en fait tu voulais faire le métier de faire la radio. Ah ouais, tu te demandais ça vraiment? Parce que ça me fait plaisir. Et pourquoi ça te fait plaisir? Parce que je trouve ça bien de pouvoir m'exprimer envers les autres. Enfin, pour les autres, tu vois ce que je veux dire? Ben moi, j'aime bien soigner les animaux parce que j'adore les animaux. Ah ouais, bah c'est chouette, tu vois. Donc, à mon humble avis, tu ferais bien de suivre ton intuition et de foncer, quoi. Oui. À mon humble avis, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'aime bien les animaux. D'accord, bah ça c'est sympa. C'est gentil, en tout cas, franchement. Je trouve que c'est trop cool de soigner les animaux. Je te crois. Je mets un peu de musique en fond, mais t'inquiète pas, tu peux parler quand tu veux, d'accord? Même si je suis pas là. Je sais pas quoi dire de la musique. Bon, en fait... En fait quoi? Ah ça y est, t'as trouvé le truc maintenant. T'as vu le micro, c'est pas si facile que la première fois, hein. Non. C'est pas ça? C'est différent, c'est quoi alors? Non mais j'arrive pas à arriver quoi dire à cause du micro C'est la musique derrière? De la musique. Tu crois? Oui. Ah bon, d'accord. On va baisser un peu. Ça va mieux comme ça? En fait, j'adore faire de la radio parce que je trouve rigolo, mais t'es un peu dur. Ouais, c'est vrai, c'est un peu dur, ouais. Mais de toute façon, y a rien de facile, même sonner les animaux, ça va pas être facile, hein, tu sais. Ça va pas être facile. Ça va être dur même. Mais ça va être bien, hein. Tu as aimé ça, alors ça va être bien. Tu oui. Vois. Si t'aimes ça, c'est bien après. Ben, je serais obligée d'avoir un scalpel pour tous les animaux. Un scalpel? Pour tous les animaux, bien sûr. Ouais. Bah, faut voir, ça dépend de ton niveau en fait, de ce que tu fais. Il y en a qui font pas que du scalpel, il y en a qui font du nettoyage, du lavage d'animaux, il y en a qui font du gardiennage d'animaux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu m'entends pas là? Tu m'entendais pas là? Je sais qu'est-ce que t'as dit, tu m'entends pas. Ouais, c'est vrai. Mais tu m'entendais pas. Tu manges quoi? Des 3D? Tu manges quoi alors? C'est quoi que tu manges si c'est pas des 3D? Ah, mais ça c'est pas radiophonique ça, c'est pas radiophonique. C'est pas la radio ça, on comprend rien là, tu vois ce que je veux dire? Mais arrête! Bon d'accord. Je trouve que c'est trop cool de faire les métiers. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile les métiers, tu sais. Ça te dérange pas trop? Si. Si, hein, c'est dérangeant. Hein. Mais tu sais, ça s'appelle nuisance, l'émission. L'émission ici, elle s'appelle nuisance. Tu comprends, nuisance? Tu veux que je t'explique? Alors, nuisance, c'est quand quelqu'un te nuit, ça veut dire que quelqu'un, genre, te dérange ou te fait du mal ou est méchant avec toi, tu vois. Quelqu'un est nuisant. Nuisance, ça veut dire qu'il est en train de... Ou il est dérangeant, tu vois ce que je veux dire, dérangé. Tu vois, il te dérange, quoi, il est perturbant. Quand il est là, et ben, quand la personne est nuisante, c'est-à-dire que quand la personne est là, et ben, tu te sens mal, quoi. C'est pour ça que la musique, cette musique-là, on a l'impression qu'elle fait se sentir mal. Mais en fait, c'est parce que la personne se sent mal et qu'elle le dit. T'as mal à les oreilles. Bon, j'enlève le casque. Comme tu veux, je remets le son. D'accord ? Ouais, mais tu vois, quand tu fais un métier, tu peux pas prendre tes pauses quand tu veux. Tu vois, par exemple. Oui, mais toi, tu m'embêtais avec ta musique, là. Ça et parce que j'adore faire des métiers que je connaissais pas, et quand je serai grande, j'ai décidé de faire vétérinaire parce que j'ai soigné les animaux. Moi j'adore les chips, alors je les partage pas avec un carton. Voilà, c'est pas comme ça. Ah, pourquoi? Parce que je déteste. Les garçons? Oui. Mais pas les chips. Ils veulent me les voler. Non. Ils veulent juste que tu partages avec eux. Je comprends du tout pas pourquoi. Bon, d'accord. Comme ça, pas de dispute. Mais Il faut manger, sinon on meurt. Merci beaucoup pour cette émission, merci. Qui adorait beaucoup les micros, qui faisait beaucoup d'histoires sur les micros. Comme moi. En fait, c'est moi qui raconte l'histoire. Mais vous allez voir l'histoire. Voilà. Alors, regardez. Là, c'est la France. La France, c'est... Oh, personne m'entend ? Coucou ! Ah. Alors, je disais donc que la France, c'est cool parce qu'elle a des doigts. Et non seulement, en Afrique. Et non seulement, j'adore tout. Toutes les questions, merci. Aussi, alors très très gentils aussi. Ils sont très très méchants et j'ai décidé qu'ils seront tout verts. Merci beaucoup pour cette émission. Une fois, des petits garçons et des petites filles qui se disputaient tout le temps. Alors, ils décidèrent d'être changés jusqu'à la fin de l'année. Mais un soir, il n'y a plus que temps. Parce que leurs parents, qui n'avaient pas de leurs dents, ils ont mis du fric. Alors, c'était la petite souris qui devait le faire. Mais c'était pas du tout les parents. Alors, ils essayaient d'être plus gentils jusqu'à la fin de la vie avec leurs parents. Les parents étaient très très méchants. Mais c'était pas grave. En fait, ça corrige les erreurs. Mais il faut faire attention. Lorsqu'on gronde quelqu'un, il ne faut pas le rire. Sinon, paf, une baffe. Alors, ne surtout pas qu'on donne des baffes. Sinon, ça fait mal. Et les enfants pleurent. Merci pour cette émission. Merci. Thank you. Commençons à l'émission. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fille qui parle au micro parce qu'elle m'appelle Luna Fix. J'ai décidé qu'il n'y a plus personne pour que je parle comme ça, ce sera très très cool. Et comme je trouve ça très très cool, j'ai décidé d'être... Et comme c'était très cool, j'ai décidé que toutes les filles soient gentilles. Mais non. Alors, une musique venant. Pam, pam, pam. T'as laissé une fille qui a un problème ou une poix. Alors... Les garçons sont nuls. Merci beaucoup pour cette émission. Je t'avais même pas vu. Oui, t'as va très bien. Merci beaucoup pour cette émission. Au revoir. Bah, comment, Tu viens faire un bisou à ton collègue? De chips en route. Un voleur de chips. Alors. Oui, je te vole des chips. Non. Ah, lui, il donne des chips. Dis-leur, Luna, pour la DAS, là, et tout, là, ce qu'on voulait. N'importe quoi. Non seulement t'as fait n'importe quoi, absolument pas fait vraiment n'importe quoi. Et troisièmement, ça fait des bêtises. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les choses qu'on sait pas faire des fois. Il faut le reconnaître. D'accord. Ça me fait mal aux oreilles. Attends, elle est bien. Elle est bien cette musique, tu sais. Tu m'as coupé la parole. Ah non. Sérieux? Alors, les petits garçons, les petites filles qui écoutent la radio, il faut surtout pas leur couper la parole. Est-ce que vous avez bien compris? Bon, vous remettez votre casque, sinon vous n'allez rien entendre. Oh là là! Vous êtes obligé, hein? En fait, les garçons, vous devez faire attention. T'es vraiment nul. Et tu es vraiment méchant. Ah ouais, mais et t'as fait des bêtises. Mais c'est qui le garçon qui t'a fait des méchancetés pareilles pour que tu dises ça à n'importe quel garçon, quoi? C'est incroyable, c'est quoi. C'est vous, les petits adultes. Mais ah, les filles. Adultes. Les adultes, mais pas les filles. Les adultes garçons. Ah, ça y est, j'y suis. Ok, bah j'irai pas plus loin. Excuse-moi. Bon. J'ai décidé que tu vas t'en aller 5 minutes J'enlève... avec le casque. J'enlève mon casque alors. Oui. D'accord. Après, tu te bouches les oreilles et tu verras. Ok. Je t'ai entendu. Alors bouge pas les oreilles comme ça. Encore mieux, ça va faire mal, ça va faire trop mal. En fait, les garçons c'est nul. Le garçon c'est nul? Non. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Le garçon il est nul. C'est... Là j'ai pas entendu. Là. Une petite pause. D'accord. Pouf. Mais vas-y, te gêne pas. Hein. Quelle bazarie. Une bazarie, ouais. Une bazarie, c'est pas mal ça. La nuisance, la bazarie. C'est... Je vais m'en souvenir de celle-là. La bazarie. Qu'est-ce que tu veux dire? Bazarie. T'avais dit que c'était bazar. Bazar. Les garçons, t'es nul. Alors, vous me permettez. permettez que vous allez chercher Joël pour leur dire quelque chose. Merci. Tu l'entends. C'est ça, le rock'n'roll. Se torcher avec sa main gauche, c'est ça le rock'n'roll. À partir de maintenant, il faut que je pense tout le temps à toi. Thank you. Ça va. Alors, je me demandais pourquoi t'avais pas le casque et t'entends. Parce que j'ai des retours, ça s'appelle des retours quand on a des enceintes, des haut-parleurs. ça là. Ah. Et ça, et je peux t'entendre. Ah, mais t'es trop. Toi, t'as pas ça, toi. Mais moi, je les ai. Ouais, c'est trop bien, hein. Moi, je t'entends même si j'ai pas les trucs là. Comment? Moi, je t'entends même si t'as même si j'ai pas ça et même le pas casque. Ça. Le casque, tu veux dire vraiment parfait. Toi, tu m'entends parce que t'as le casque? Non, je t'entends même si. Même si quoi? Tu m'entends là? Tu m'entends pas là? Hein? Tu m'entendais pas là? Si. Non, c'est pas vrai, tu m'entendais pas. Si. Dimanche, sûrement. Ouais. Bah ouais, dimanche là. Yes. Blablabla. Arrête. Comme non, mais je rigole. Ouais, mais t'es pas drôle, merci. Éteins la lumière rouge. Bim. Vous écoutez Canal Sud de 92.2 FM, ah oui, Canal Sud.net. Bon, ce allez, n'est pas vas-y, une Luna, émission dis-nous tout. De sport, c'est une émission qui d'actualité urbaine. Et on va commencer par Luna. Peut-être. Quelqu'un en train de me voler le dragon. Monsieur quelqu'un ou madame quelqu'un, s'il vous plaît, arrêtez de gêner notre participante. Intervenante. Stylo. Même. Notre intervenante, je dirais même, qui est placide actuellement face à un Isaïe un peu moins barbu qu'avant. Tu peux parler dans le micro. C'est quoi le problème? Ah, parce que tu fais pas de bruit en fait, c'est pour ça qu'on t'entend pas. C'est pas mal, ouais. C'est pas radiophonique en fait, du tout, mais c'est pas mal. Il fait semblant de parler. Ouais, c'est ça, il fait semblant de parler, donc il m'a dans un espèce de piège où je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et lui, il me dit, ben je sais pas, mais en fait, j'entends pas ce qu'il me dit. Et après, c'est très marrant, ça me fait vraiment rigoler. Merci, mec. Tu veux parler dans le. J'ai un truc à vous dire. J'ai remarqué qu'on était 4. Wouah. Alors, moi, je compte pas alors. On va faire du spiritisme, on va sacrifier le dragon. Par contre, j'ai pas compté, j'ai regardé qu'il avait 3 aigles, plus moi t'as fait 4. Ah non, parce que toi tu comptes une demi, parce que t'es toute petite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et demi. Mais vous faites vraiment n'importe quoi là, on dirait que les gens vont pas nous adorer à notre Dieu. Bon d'expression. Moi j'aime bien parce que je quand on est ici, ma tu place plus, à Ellie. Ellie, fais la radio. Bienvenue sur Canal Plus, la soirée Anal Plus avec des enfants. Anal Scud. La soirée Anal Sud. Anal Scud. Merci, les garçons sont un peu foufou, voilà. Merci. Les garçons sont vraiment foufou, vraiment. Vraiment foufou. Praline même. Désolé, mais il est en train de taper son micro avec un stylo. C'est pas trop grave, mais quand même. Pourquoi tu crois que c'est bien la délation, Luna? Non, t'es pas bien de taper sur le micro. Ouais, la délation, c'est de donner quelqu'un, c'est de balancer. Tu sais, quand quelqu'un vole quelque chose et que tu le vois, tu le dis. Ouais, de rapporter, de rapporter. Oui, de rapporter. Mais il faut surtout pas rapporter. Là, j'ai rapporté ça parce que. Non, parce que on va te couper la langue. Allez, pose ta langue sur la table. Non, c'est pas vrai. On va pas couper la langue à Luna, on va couper la langue à celui qui dit. Parce que celui qui dit qui est, quoi. Et d'abord, on va pas commencer par ces jeux de haine. Oui, parce que on va je commencer suis un par enfant. Des jeux d'amour. C'est pas une excuse. Ouais, voilà, c'est déjà une bonne raison de commencer. Ouais, mais par alors si on peut plus faire la haine avec les enfants. Vous pouvez arrêter là, vous me criez les moi oreilles. Aussi, moi aussi, je suis un enfant. Moi aussi, j'ai une maman. Hein. Non, toi, t'es un adulte. Non, mais j'ai une maman. Je suis un enfant. T'es un adulte. C'est pas vrai. T'es un adulte. C'est pas vrai. Si. Non. Si. Non. Si. T'as plus de barbe que moi. J'ai pas du tout de barbe. Bah, c'est parce que t'as pas de miroir, tu vois pas. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas parce qu'elle a pas de miroir qu'elle voit pas. T'as une moustache, ça y est. Ou peut-être que si. Finalement, c'est parce qu'on a un miroir qu'on voit pas. Peut-être, c'est possible ce qu'il dit. Il a peut-être raison, mais c'est pour lui, peut-être mais ça marche. Pas du tout. Mais non, mais Luna, t'as voir. Pas de barbe et tout. Puis t'as le droit d'attaquer Vince et on a la radio. C'est, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rigoler, c'est pour rigoler, franchement. Ils font n'importe quoi, les garçons. Ça, c'est vrai. Surtout Vincent. Et puis toi, arrête de taper sur le micro. Parce que dis-leur, raconte-leur aux auditeurs qui se trimballent dans la rue avec des jouets pour offrir ce guise de Noël. Avec son il est pas bizarre son impère à Vincent. Je crois plutôt qu'il devrait sortir de la radio. Oui, et tout. En plus, t'as vu la gueule de Hal. Non. Non, je suis pas d'accord avec toi, Luna. Je pense que Vincent a sa place avec nous. Et toi non, aussi. Non, mais t'as vu comment il fait n'importe quoi. Mais il a le droit. Il a le droit. Non, ben je le crois pas, non. Bah pourquoi il a pas le droit? Toi, t'as bien le droit de faire n'importe quoi. Tu fais bien n'importe quoi depuis tout à l'heure. Pas du tout. Pourquoi c'est pas n'importe quoi ce que tu faisais toi et lui c'est n'importe quoi? Comment on fait le cidre à la radio? C'est normal parce que lui, il fait vraiment n'importe quoi. Non, n'importe c'est parce quoi. Que tu comprends pas que tu dis hein ça. Tu comprends pas alors. Non, parce qu'il t'a fait sur le stylo avec un stylo sur le micro. Ça c'était rigolo ça. C'est non, moi j'ai trouvé c'est ça. Pas drôle parce que moi si, je trouvais ça rigolo. Si jamais il se cassait le Non, il peut pas casser le micro. Il peut pas casser le micro, je te rassure. Je le sais, t'inquiète, il peut pas casser le micro. On est entre nous, je suis trop. Les écoutez pas. C'est vrai, ça c'est peut-être vrai d'un certain point de vue, mais il y en a d'autres qui ne sont pas nuls, les garçons, tu sais. Il fallait pas te dire, c'est dit tout seulement exprès. Ah, pardon, bah je le dirais plus tout fort, je le dirais tout doucement comme ça. Tu vois, exprès. Faut pas qu'on m'entende. C'est vraiment nul, les garçons, je comprends pas. Les garçons, c'est vraiment trop nul, c'est ça. D'accord. C'est quoi le débat? Y'a pas de débat, c'est tranquille. Personne se prend la tête ici. C'est la paix, l'amour, la justice. Ils devraient tous être punis. De rien. Ils devraient tous être punis. Salut Toulouse. Tous. Ce soir on a 4 Toulouse, auditeurs. T'es cool. Toulouse or not Toulouse. C'est quoi ton prénom? Excusez-moi, bonjour, je me suis emporté. Désolé. Je m'emporte souvent. Je commence le parlement. C'est comme ça qu'elle s'appelle la raison. Quoi? Qu'est-ce que ça dit? Elle s'appelle comment là? La radio s'appellerait. Bien, on va skier avec ouais. Je commence le. Boîte. La radio. Je commence la radio. Ça commence la radio? Ce serait ton émission à toi? On commence la radio, on parle. D'accord, mais c'est ce qu'on est en train de faire, tu vois. Elle s'appelle Canal Sud, cette radio. Bon, au lieu de manger, on va parler. On pourrait parler de Canal Sud, par exemple. Non? Tu veux pas? C'est super radio, Canal Sud. Radio plan super. Vrai. On n'a encore rien à dire. C'est ça, et qui se font chier. Comme les autres. Alors, je propose qu'on va préparer un repas quand ce sera Noël tous ensemble. Moi, je propose qu'on aille. Sacrée proposition quand même. On a le droit de dire genre attaquer le tramway tous demain ensemble, Toulouse. Jamais de la vie. Faire dérailler un wagon, le mettre. Jamais de la vie. Au bois, faire une fête dedans. C'est une moins sacrée proposition que tu me fais là, mon ami. On voit des choses. Nous les grands. Et les petits, ils voient quoi? Tu vois quoi là? Je vois un garçon qui essaie d'écouter qu'est-ce qu'il dit. Il a réussi? Oui, il est en train de mettre le micro devant sa main. Ah ouais, il fait ça comme un DJ. Tu sais, les DJ ils font ça. Ça fait stylé. Ouais, carrément. Oh, elle est cool cette radio. Ouais, carrément. Les garçons, t'es vraiment cool, merci. De rien. Ils sont tous trop méchants. Non, mais je t'entends, hein. Moi je te fais des cadeaux et puis après tu m'insultes. Quel cadeau? Non mais c'est elle parlait pas de toi je crois. Sinon elle parlait de moi peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Les garçons sont... Ouais, ça dépend lesquels. La drogue? Non les garçons. Les garçons. Luna t'avais promis d'arrêter la drogue. Non mais c'est les garçons qu'il faut arrêter. Donc, pas la drogue faut non, continuer jusqu'au bout, faut en finir. La vie est trop triste. Jamais, quoi. T'as que 7 ans et bon, je crois qu'on va arrêter là. Non, mais ouais, c'est vrai. Faut pas toujours fuir ces problèmes comme ça. À un moment, il faut se confronter. Voilà, c'est ça. Les garçons, t'es vraiment nul. Non, mais ouais, voilà, on a tout essayé, Luna. On a tout essayé, voilà. Maintenant, on a choisi cette thérapie de groupe à la radio pour que tu puisses t'en sortir. Les garçons, t'es idiot. Ouais, traitement, tout à fait. Tu apprennes à apprécier les garçons. On va te traiter, tu vas voir. Tu comprends, Luna? Il faut que tu comprennes. Non, je rigole. Je plaisante. Il faut que tu comprennes. Tu comprends, Luna? Tous ces bonbons là que tu manges le soir, là, Luna. Les garçons sont très... C'est clair, t'auras plus. Avec des yeux bleus. Elles sont comment les filles, Luna? Non, c'est pas vrai. Si. Je parlais à Al. C'est moi la blonde avec les yeux bleus, d'accord. Oui, c'est vrai, je suis bête, j'avoue. Excuse-moi, des fois ça m'arrive d'être bête. Mais pas tout le temps. Il va leur jeter des pierres quand Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu t'en vas ? T'as raison. Canal Sud. Canal Sud, la radio où les enfants s'en vont. Parce qu'il est minuit. Minuit, l'heure des sorcières. L'heure des monstres. Les monstres qui sortent de leur antre. Avec le volume. Qui va dans tous les sens. Pour parler de suite, ouais. Ça fait vide. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que on est vide. C'est qu'on est vide. Quoi, des adultes ? L'innocence de l'enfant. L'innocence ? L'innocence, oui. Ah ouais, mais j'ai toujours cru que la naïveté était plus adéquate comme terme. Que dans un monde aussi dégénéré, on peut dire la tête haute que ces rebuts n'étaient que de pauvres innocents. Tu peux baisser un peu mon casque ? Ouais, si tu veux, c'est quelle couleur toi ton tu micro ? Tu veux une bière, Al ? C'est vert. Vert ? Tu veux une bière verte, Al ? Ça va mieux comme ça ? J'entends pas la différence. Plus ? Tu veux plus alors ? Non. Là ça va ? Ouais, là c'est pas mal. D'accord, ça marche, t'as entendu la différence ? Tu vas aller donner une bière à Al ? Légèrement. Non. Tu veux plus ? Parce que le garçon toi. C'est pas bien. Ça va ? Mais c'est quand il y a la musique là, ça va. Quand ah, d'accord, je comprends. Je rentre pour de vrai. Tu veux passer une petite annonce ? Bah pourquoi pour de vrai ? Petite annonce pourquoi ? Pour un cabanon ? Appelle Gaël. Arrête, sans elle on peut rien faire, on est tétanisé. Oui mais au moins elle ouvrait la polémique quoi. Hein ? Moi j'ai bien la carte ouais. Tu l'as ? Ouais, la dernière fois que je t'ai vu, c'était quand ? C'était il y a 8 mois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est vrai, c'était dans le métro. Sur les réseaux sociaux. Ouh, mais on est même pas amis sur Facebook. Tu m'as jamais accepté comme ami sur Facebook ? Juste avec lui. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. C'est vrai ? Tu lui expliques la crêpe, je suis avec toi. Ça tu vois avec lui. Mais t'es pas dans cette histoire. T'attends quand même. Pauline, en direct du monde. Voilà, les Bretonnes. C'est une braise. C'est un peuple qui vit reclus. Je passe tous les jours devant. Dans le nord-ouest de la France. Sur une avancée de terre qui se jette dans la mer. Bah ouais, mais on a peur de. Ils tournent des rochers, ils mangent des coquillages. Des crêpes, du chouchen et du cidre. C'est des pommes, le cidre, qu'ils écrasent avec les pieds. Copule dedans, ça fait des champignons et ils les laissent dans des grandes cuves. J'ai pas tout compris la fin. Je serais pas venu, hein. Ouais, ben, je te retourne la réciproque. Putain, j'étais incognito, mais. À la prochaine. Charogne. Bon, la vie. Alors, ces études en psycho, ça donne quoi ? Alors, selon la psychologie freudienne, tout est sexuel. Tout est objet de désir, la libido est présente dans tous tes actes. Même quand tu portes cette bière à ta bouche. Oui, mais je sens l'acte sexuel quand je porte cette bouteille à ma bouche. Non, ça c'est pas la bouteille. C'est tout quoi. Ah, il est bien ce son là. Vas-y, vas-y, fais péter. DJ Farid là. DJ Mac Farid Macro. Ce soir sur les ondes avec nous. Le plus grand crevard de Toulouse. Oui. Il est venu pour vous piquer toute votre monnaie. Il a pris une douche et il s'est levé. Une fois n'est pas coutume, le soleil s'est levé. Et Farid c'était est arrivé. C'était pauvre ça. Oh, ça me fait dans le pied. Moi, ça me fait fucker. Heure désespoir à toute personne qui osera songer à mon espoir. Désespoir. dire si t'as pas envie de parler. Faire du tourisme sexuel en Argentine. Il a peur. Non. Moi je fais du tourisme à Toulouse. Je pars sans toi. Tu peux parler. Quand une traîtresse qui s'en va du territoire chercher le bonheur ailleurs, on devrait interdire à ces gens de la revenir, les traiter comme les autres, ceux qu'on renvoie chez eux. Appel au don pour Vincent et Farid, voilà, ils auraient besoin qu'on leur fasse une donation. Une habitation sur Toulouse serait le bienvenu. Alors une maison de type T3 avec deux chambres, un salon cheminée, un petit jardin parce qu'ils ont un chien, voilà. Ils sont paxés depuis 4 ans maintenant, ils sont très heureux ensemble, ils ont pour but d'essayer d'adopter des enfants, quoi. De sexe et de taille différente, bien sûr. On a déjà adopté pas mal de maladies sexuellement transmissibles. Ainsi que de nombreux parasites. Voilà, comme quoi, le bouclier. Mariage pour tous, c'était pas une bonne idée. Écoutez, voilà, il y a toujours le mauvais côté de la chose, ceux qui vont en profiter, voilà. N'est-ce pas Vincent? Oh putain Vincent, arrête! Rage-moi ça tout de suite! Désolé pour le. Mais j'aime bien jouer avec le bouton. Je te jure, à chaque fois que je viens ici, je me dis putain, mais. La moitié de la ville nous attend à raconter des conneries. Non, mais ça me bouffait plus le cerveau, tu vois. Surtout quand tu gardes le casque pendant 2 heures dessus. Et t'es là, oh putain, merde, dans quelle réalité je suis. Dans une bulle. C'est ça. C'est pas fou. T'es encore là, Luna? Ouais. Tu t'es enfui. Alors, Luna vient de s'enfuir de chez elle, elle a laissé sa mère, elle est partie. Enfin voilà. Sa jeunesse d'aujourd'hui, c'est un ennemi dans la rue là avec son blouson à capuche là. Mais avec pourquoi des t'as un cocard sur le côté, là. Qui c'est qui t'a tapé Luna? C'est ta maman? Non mais c'est pas vrai. Dis-lui Luna, il est méchant. Dis-lui les garçons, ça sert à rien. Balance-lui ton. Bah ouais, balance-lui ton dragon de l'enfer en comme un shuriken là. Dans l'œil. Donne-lui des bonnes idées. C'est bien Luna, il faut pas te laisser faire. Qu'est-ce que tu penses du féminisme, Luna? Est-ce que tu penses que les filles, c'est plus fort que les garçons? Non, c'est pas ça la question. Enfin, moi, je comprends pas trop le féminisme. Je suis pas féministe. Enfin, toi, est-ce que t'es contente, Luna, en gros, que ta maman, elle fasse toujours la cuisine, le ménage, qu'elle s'occupe de toi? Bon, d'accord, on passe le féminisme, c'est pas. Les garçons, ça sert vraiment à rien. Essaye de prouver le contraire, merde. Mais non, mais moi je suis content que tu. De toute façon, t'as raison, Luna. Luna, on veut y aller là. T'as raison de te rebeller, de dire que toi tu veux dormir parce que c'est les vacances. Tu veux pas dormir parce que c'est les vacances. Et tu voudrais faire quoi, Luna? Tu voudrais rester ici et chanter? On chante une chanson? Une chanson, on y va là. Mais t'as le temps de chanter une chanson. On chante une chanson, regarde, maman elle discute. Chante une chanson, n'importe quoi, tu connais pas une chanson? Allez, go! Mais qu'est-ce qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais donc bonsoir. Vous écoutez actuellement une émission intitulée Nuisance. Nuisance, c'est l'émission de Nuisance. Donc c'est l'émission qui nuit au sens, c'est l'émission de toutes les nuisances. Donc entre autres sonore ou sonique, ni queue ni tête. Et donc l'incohérence aussi de prime abord, toujours impartiale. Voilà, impartiale. Et on cultive ici donc la nuisance. On la cultive, pardon, l'incohérence. Thank you. Thank you. Bonsoir, ceci est encore moi-même, donc Al, présent au micro pour l'émission Nuisance. L'émission Nuisance, c'est une émission qui nuit au sens, n'est-ce pas ? La radio où elle se produit, c'est la radio Canal Sud, 92.2 FM, dans la région toulousaine, ou sur le www.canalsud.net. Il est actuellement minuit 44 minutes et 21 secondes. Nous allons à présent cesser cette farce, cette ignominie qu'est cette émission. On arrête tout maintenant, c'est fini. C'est la fin. Enfin.